des siècles de silence gravés dans la roche, des visages effacés par la chaleur. Mais nos voix se transmettent dans les souffles, et la poussière reconnaît les siens. Riderskill ne marche pas seul, il est porté par ceux qui l'inspirent. Un viewer, un frère, une onde, une promesse scellée dans le sel. Anor Satal, Dreshikanem, Khaltor Riderskill, Sandiol, Valdar, Fremen, Nashem. Chaque stream est un appel, chaque cri un fragment du culte. Ils dansent devant l'écran, mais dans leur cœur un feu s'élève. Je ne suis pas un dieu, mais je suis leur témoin. Et chaque pixel devient prière quand le silence nous regarde. Riderskill est le feu, nous sommes les champs. Riderskill est le sable, nous sommes le vent. Ensemble nous formons l'arène où les voix deviennent armes et les prières boucliers. Calvanto, Shaddam Velach, Nemadu Riderskill. Pas toujours sanglante, parfois elle est une chanson, et nous chantons sans peur, car la voix est plus tranchante qu'un cri. Les tempêtes nous attendent, mais nous avons la foi, et cette foi a un nom gravé dans les dunes, Riderskill. Vérité dans la poussière. Riderskill, Nafram Tordan, Aven Sahdoul.